bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Avec si. Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 165.0. Je débute l'enregistrement, on est quoi? On est mercredi après-midi, début d'après-midi, je viens juste de dîner. En fait, j'arrive de faire du kayak, il fait beau aujourd'hui, il fait vraiment beau. Je suis en congé, donc j'en ai profité pour aller faire du kayak. Du côté nord de l'île Perrot où j'habite. Et à ce moment-ci de l'année, il y a beaucoup de courant. Le niveau des eaux est encore vraiment haut. Il y a comme 5 pieds d'eau de plus que d'habitude. Toutes les îles où j'ai l'habitude de débarquer pour pouvoir aller voir les plantes puis tout ça, en ce moment, sont immergées. Puis si je débarquais, j'aurais de l'eau à peu près en dessous des bras. C'est pour ça que la majorité des chalets, quasiment tous les chalets qui sont sur ces îles-là ont été construits sur des pilotis, sont dans les airs, parce qu'en ce moment, l'eau passe en dessous de tous les chalets. Donc c'est ça, une belle journée pour faire du kayak. Comme on est en début de saison, je mets encore mon wetsuit. Puis mon wetsuit est vraiment imperméable. Là. J'embarque dans l'eau puis je sens rien. L'eau passe pas. C'est juste si je m'immerge jusqu'au niveau du cou puis là que ça commence à rentrer un peu dans le cou que je sens la fraîcheur. J'ai encore testé ça aujourd'hui pour le plaisir. Puis l'eau m'apparaissait chaude, mais je sais que l'eau est encore froide à ce moment-ci de l'année. Donc je prends pas de chance. Là, je mets encore mon wetsuit. Sinon aujourd'hui. Sur mon téléphone, j'ai l'application. Comment ça s'appelle si je regarde? Ça s'appelle Merlin Bird ID. C'est une application qui permet d'identifier le chant des oiseaux. Donc, une fois que j'ai eu traversé l'endroit là, où il y a beaucoup de courant, puis j'ai réussi à me rendre dans une lagune où c'est comme un immense lac que l'été se remplit de plantes aquatiques. Eh bien là, j'ai allumé l'application, puis là, à mesure que les oiseaux chantent, eh bien sur mon application, le nom apparaît de l'oiseau. Donc là, il y en a plein qui apparaissaient, puis là, j'essayais de les trouver. Fait que là, j'ai trouvé des chevaliers grivelés. Ça, c'est comme des oiseaux avec un long bec, puis ils sont comme gris un petit peu. Ça, je les ai vus. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des bruants, j'en ai vu. J'ai vu les hirondelles bicolores. C'est comme des hirondelles, mais qui sont un petit peu bleues. Puis les hirondelles, c'est facile à reconnaître. Là, ils ont comme quand ils volent, ils sont comme en forme de V. L'agencement de leurs ailes fait que ça forme un V. Fait que ça, c'est facile à reconnaître. Et finalement, la dernière que j'ai reconnue, c'est les carouges à épaulettes. Là, c'est les oiseaux qui ont comme du orange un peu là sur les ailes. Sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait des bernaches. Nos outardes. Il y avait quoi? Il y avait un qui apparaît à un moment donné. C'était écrit Viréo mélodieux. Mais lui, je ne l'ai pas vu. C'est un petit oiseau tout petit qui semble avoir un peu le bedon jaunâtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a eu cardinal rouge, mais ça, j'en ai plein à la maison. Paruline jaune qui chantait, mais ça, je ne les ai pas vus. C'est un oiseau qui est complètement jaune. Donc, c'est ça. C'était ça que j'arrive de faire. Un beau tour de kayak. Sinon, eh bien, on est quoi? On est dans le Lobster 165. C'est notre épisode, je vous l'annonce, notre épisode triangulaire. Et oui, 165 est un nombre triangulaire. J'ai appris ça en faisant des recherches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un nombre triangulaire? Eh bien, si on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, puis on fait ça jusqu'à 15, eh bien, à un moment donné, ça donne 165. Et c'est donc ça, un nombre triangulaire. C'est un nombre dont la somme des chiffres de 1 en montant bien finit par donner un nombre. Sinon, fait insolite sur le chiffre 165, eh bien, dans un jeu de cartes, standard, sans joker, si on donne 3 cartes à disons, 55 joueurs, il faudra exactement 165 cartes, mais comme il y a juste 52 cartes dans le jeu de cartes, c'est impossible de passer 3 cartes aux 55 joueurs, ce qui fait que dans ce contexte, 165 n'a aucun rapport. Puis finalement, eh bien, sachez que l'année 165 après Jésus-Christ, eh bien, est connue pour être l'année de la première pandémie. Et oui, ça nous rappelle des bons souvenirs de notre pandémie à nous. Eh bien, en 165, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la peste Antonine, aussi appelée la peste de Galien. C'est l'une des premières grandes pandémies documentées de l'histoire. Si je vous lis un petit peu qu'est-ce qu'on dit, elle a commencé vers 165 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, et a duré 15 ans. C'est une probablement, on dit que c'est une épidémie de variole. Elle a tué des millions de personnes à travers l'Empire romain, provoquant une grave crise démographique, économique et militaire. L'épidémie aurait affaibli l'Empire romain et est considérée comme un des premiers signes de son lent déclin. Et pourquoi je vous parle de Romains et de cette peste? Eh bien, c'est pour faire un lien avec mon prochain sujet. Je voulais vous parler d'une série qui vient d'arriver sur Netflix. On écoute la bande-annonce. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Ben non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc voilà, je vous passe pas plus de la bande-annonce. Tout le monde connaît Astérix et Obélix. Donc, la série qui est sur Netflix en ce moment, c'est la série Le Combat des Chefs, donc tirée de la bande dessinée. Moi, je l'ai pas encore vue, je vous en parle pas plus qu'il faut, mais d'après les critiques, là, c'est super le fun à écouter, c'est divertissant. J'ai lancé un épisode pour le plaisir, puis j'ai vu que c'était 35 minutes, puis les dessins sont super beaux là-dedans, ben les images, je veux dire. Donc, moi, je l'ai trouvé, si jamais vous n'êtes pas abonné à Netflix, je l'ai trouvé sur le site Zone Téléchargement. Je l'ai téléchargé de là. Bon, mais qu'est-ce qu'en dit la critique? Ils disent « Avec seulement 5 épisodes d'une trentaine de minutes où l'humour ne nous laisse aucun répit, cette mini-série tient le format parfait pour éviter l'ennui, mais nous laisse tout de même sur notre faim. » Donc voilà, j'en sais pas plus. Je vais l'écouter ce soir ou cette semaine. Moi, j'ai bien hâte de l'écouter en tout cas. Sinon, quoi de neuf dans le Lobster? Eh bien, on ne peut pas passer sous silence le grand événement qui s'est passé depuis le dernier Lobster. Il n'aura pas fallu une semaine pour que mon frère là, me donne deux kips religieux pour donner l'extrême onction que je vous parle du pape dans le dernier Lobster pour qu'il nous lâche. Donc, c'est confirmé. Mes kits d'extrême onction sont probablement maudits. Donc, je les mets avec mes autres artefacts maudits. La journée que j'ai appris la mort du pape, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une de mes kips d'extrême onction. En gros, c'est quoi? C'est des croix qui sont en bois, mais qui sont creuses. Puis on tire un petit panneau. Puis là, quand tu les ouvres, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, il y a un petit pot dans lequel là, je peux mettre le liquide, la crème pour donner l'extrême onction dans le front. Et il y a deux bougies. Donc, j'ai pris les deux bougies, je les ai mis sur la barre horizontale de la croix. Là, il y a la place pour mettre ça. Je les ai allumées pour me faire une petite cérémonie là, pour dire au revoir au pape. Puis autour de ma croix, eh bien, j'avais mis quoi? J'avais mis la figurine de Hulk Hogan là, qui est toujours sur mon bureau de travail. J'avais mis aussi mes deux figurines de Pruneau et Cannelle de Passepartout. J'avais mis deux rois mages, le noir et le blanc. Pour représenter les différentes cultures. J'avais une poupée de chiffon qui vient de l'Amérique centrale, qui n'est pas très belle, mais que j'adore. Et évidemment, j'avais un petit Jésus dans un lit. Donc voilà, bref, je vous mettrai la vidéo sur le site du Lobster de ce que j'ai fait, là, ma petite cérémonie. Je voulais envoyer ça à mon frère là, pour lui montrer que j'utilisais bien ses kits. Puis pourquoi avoir mis Hulk Hogan parmi les gens qui assistaient à la cérémonie? Eh bien, c'est parce que si jamais le pape a de la misère à passer les portes de Saint-Pierre pour aller au paradis, eh bien, l'esprit d'Hulk Hogan sera assez fort pour l'aider à les ouvrir. Donc voilà, le pape François est supposément mort. Mais ça, bon, c'est la version officielle. Bon, nous, on le sait, là, je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Le pape, eh bien, c'est un vampire. Ça m'excite. Donc, il n'est pas vraiment mort ou vivant, là, il est juste vampire. Puis, il hante désormais les catacombes du Vatican. En fait, lui, il a demandé le pape François à être enterré à la basilique Sainte-Marie Majeure. Ça, c'est à Rome, en Italie. Donc, c'est dans ce coin-là là, qu'il va venir dormir le jour pour ne pas être brûlé, évidemment, par le soleil. Fait intéressant, et véridique. Eh bien, sur cette basilique, d'après ce que j'ai lu, il y a une crypte qui est appelée la crypte de la crèche. En italien, c'est Crypta della Natività, qui conserve des reliques présentées comme provenant de la crèche de Bethléem. Ça, c'est vrai, là. C'est quoi? Eh bien, je sais pas c'est quoi, là. Ils ont-tu une balle de foin et les os d'un âne? Non, en fait, je suis allé lire un petit peu plus là-dessus. Puis ces reliques-là, c'est appelé Sacra Cula, la Sainte Crèche. C'est des reliques de la Sainte Crèche. Puis selon la tradition, ils viendraient directement de la mangeoire où l'enfant Jésus a été couché. Ces fragments ont été apportés de Bethléem à Rome très tôt dans l'histoire chrétienne, probablement au 4e ou 5e siècle. Mais bon, pour la vraie histoire tirée du Dark Web, là, en vrai, c'est 5 bouts de bois, là, c'est des pieux, c'est des armes papales en fait. On sait que les chasseurs de vampires là, sont réputés pour tuer les vampires avec des pieux dans le cœur, mais vous le savez probablement pas, mais les papes vampires, eux, ils se laissent pas faire et ils se défendent aussi avec des pieux qui plantent dans le cœur des chasseurs de vampires. Bref, la crypte de la crèche, c'est comme l'endroit où les papes vampires ils vont s'équiper quand ils doivent se défendre. Sinon, quoi d'autre que j'ai appris sur le Dark Web? Eh bien, depuis la mort du pape, puis depuis que son cercueil vampirique là, a été amené dans la crypte, eh bien, les gens qui habitent dans ce coin-là, ça a l'air qu'ils entendraient de la musique qui vient la nuit des souterrains de cette basilique. Body pumping. Voilà, on a pas mal fait le tour du pape, du sujet, mais j'ai gardé le meilleur évidemment pour la fin. Je suis allé dans ChatGPT et j'ai écrit « Écris-moi une chanson pour la mort du pape » sous le thème des paroles de Goldorak. Puis après ça, j'ai pogné ces paroles-là, je les ai mis dans Suno et qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne une belle chanson qu'on va écouter avant de poursuivre ce Lobster 165.0. Son dernier regard sous l'ombre d'une croix, il quitte la terre. Ses prières se transforment en rire froid. Dans la nuit, il s'élève. Tout le monde le craint. Son corps s'effritait, mais l'immortel désir, il l'a désormais. Son collier de perles, aujourd'hui se brise. Il plonge dans les ombres, tout le monde l'avise. Il est éternel. cloche sonne, mais il n'entend plus. Ses pouvoirs grandissent, tout se tord sous lui. Il règne maintenant sur l'univers obscur. Un nouveau pape au cœur pur de nuit. Il est le pape des ténèbres, l'ombre du Christ. De retour dans le Lobster 165.0. Bon, on change un peu de sujet, mais pas tant que ça. Toujours un petit peu question du pape. Je voulais m'en débarrasser, mais non, ça tourne encore. On revient à un des sujets préférés, je pense, de mes lobsters. C'est les nains, évidemment. Ben là, je sais plus, c'est-tu moi qui trippe sur les nains ou vous? Ben après 165 épisodes, là, ça se mélange. Mais c'est sûr qu'il y en a un des deux, soit vous, soit moi, là, qui aime en parler. Puis bon, c'est ça, j'ai fait des recherches pour vous. C'est encore un petit peu lié au pape, là, aux événements de sa mort puis de son remplacement. Car je me demandais, est-ce qu'il y a déjà eu un pape nain? Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un pape à développement vertical limité? Et oui, c'est le genre de questions qu'on répond dans ce Lobster. Évidemment, moi j'ai des crédits pour la recherche et bon, tous nos crédits de recherche passent pour répondre à ce genre de questions essentielles. Puis, je crois, sans trop me tromper, que je pense qu'à force de faire des recherches sur les personnes à élévation corporelle restreinte, eh bien que je vais devenir un peu, je suis peut-être déjà devenu le spécialiste du sujet. Puis, probablement qu'à un moment donné, je vais finir par être appelé pour aller jaser sur les plateaux de télévision ou même à la radio en tant que spécialiste là, du nanisme. Je commence à connaître beaucoup trop de choses sur eux. Donc, je pense que le temps est venu pour moi d'avoir un genre de titre, pas honorifique, là, mais un titre là, qui montre que je suis super connaissant là-dedans, là, un genre de titre que l'animatrice à la télé nommerait là, pour me présenter. Donc, je vous ai fait un exemple là, de qu'est-ce que ça donnerait si je passe à l'émission à la télé. Donc, on l'écoute. Ce soir, on jase du film Fanny avec Yann Englen et Milia Corbeil-Gauvreau. Michel Desrochers nous dévoile ses trucs déco pour l'été. Billy Dupage nous interprète son succès Fake Friends. Et on passe toute l'heure avec Frédéric Lavoie, ingénieur en anthropométrie réductive appliquée aux hominoïdes à stature diminutive. Bienvenue à Bonsoir, bonsoir. Et oui, ingénieur en... Hey, mon Dieu, c'est compliqué à dire. Ingénieur en anthropomorphie. Non, même pas. Ingénieur en anthropométrie réductive appliquée aux hominoïdes. Attends, comment? Ingénieur en anthropométrie réductive appliquée aux hominoïdes à stature diminutive. Ça va être ça, mon titre. Je pense que ça fait plus beau que dire spécialiste des nains. Mais bon, c'est compliqué à dire en tabarouette. Bon, en passant, là, j'ai maintenant le droit d'utiliser le nom ingénieur dans ma signature ou dans mon titre. Après plus de 25 ans comme ingénieur stagiaire en informatique, j'ai finalement rempli les papiers là, qu'il fallait pour compléter mon inscription comme ingénieur. Puis, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de l'ordre qui me disait que j'étais maintenant ingénieur à 100%. Donc, et oui, je voulais remplir les papiers avant la retraite. J'ai quand même réussi à étirer ça sur plus de 25 ans, l'ingénieur stagiaire. Donc, je me dis bravo à moi. Donc, de retour, on parlait de quoi? Ah oui, on disait que je suis rendu spécialiste du Nanis. Donc, ingénieur en tatata, comme j'ai dit. Je vais même me faire une carte là, pour garder dans mon porte-monnaie. Donc, grâce à mes recherches là-dessus, pour savoir s'il y avait eu des nains qui étaient papes ou même qui avaient été nommés cardinaux, eh bien, j'ai trouvé ceci sur le Dark Web divin. Le Dark Web divin, bon, c'est un peu comme l'Internet caché, là, mais du Vatican. Et de quoi on y parle? On y parle de la prophétie des grandeurs. Donc, pendant un instant, on s'imagine qu'on est dans le film Le Nom de la Rose. Pour discuter de ce sujet, je vais nous mettre la musique du film en background pour faire sérieux. Donc, sans vous vendre le punch trop vite, mais bon, je pense que vous vous en doutez, là, il n'y a jamais eu de pape nain. Et même, il n'y a jamais eu de cardinaux à stature réduite. Donc, l'objectif de mon enquête ici, là, puis de mes recherches, c'est d'expliquer pourquoi. Ça m'excite! Donc, au tout début du christianisme, bien avant que l'Église ne se répande dans toute l'Europe, j'ai découvert qu'il y a un groupe de moines très pieux qui vivaient dans un monastère isolé de la Judée qui aurait découvert un ancien parchemin dont la provenance était aussi mystérieuse que son contenu. Ce parchemin, écrit dans une langue oubliée, contenait la fameuse prophétie des grandeurs. Selon cette prophétie, il était écrit que si un nain jamais se tenait devant l'autel du Christ, la croix se briserait en deux et la lumière de Dieu s'éteindrait. Il était aussi stipulé que la terre tremblerait et l'âme des fidèles serait dispersée, car la petitesse physique annulerait la grandeur divine. Les moines profondément pieux, mais aussi très superstitieux, prirent cette prophétie à cœur. Ils croyaient fermement que la naissance du Christ, ce Dieu fait homme, marquait l'incarnation de la grandeur divine sur terre. Selon eux, cette grandeur était si parfaite qu'elle ne pouvait être perturbée par aucune forme de petitesse, ni physique, ni spirituelle. Le Christ, dans leur interprétation, représentait l'idéal humain dans toute sa majesté et sa grandeur spirituelle. Le problème, c'est que la prophétie parlait d'un phénomène inconnu à l'époque, les nains. Selon l'étrange texte, si une personne de petite taille, un nain, ou personne de taille amoindrie, se mettait trop près de l'autel, cela entraînerait une altération du flux divin, une rupture du lien entre le ciel et la terre, un peu comme dans Ghostbusters là, avec le mixage des flux. En d'autres termes, l'idée était que la petitesse de taille physique pourrait perturber la grandeur divine du Christ, rendant son message et sa puissance moins accessibles aux hommes. Ça m'excite. Pour éviter cette catastrophe, l'Église, bien qu'elle n'ait jamais eu officiellement reconnu la prophétie, prit des mesures discrètes. Les premiers prêtres de petite taille furent gentiment invités à rejoindre des missions plus petites, souvent en dehors des grandes cités saintes où la grandeur divine serait vulnérable. Ils furent affectés à des villages reculés, comme chez les Pygmées, ou à des tâches moins visibles, jamais dans des rôles de grande autorité ou dans des cérémonies publiques. Ainsi, les nains furent peu représentés dans les récits des premiers temps chrétiens. Bon, l'histoire se perpétua et devint un secret bien gardé au sein des ordres les plus influents. Lorsqu'un nain apparaissait dans les villages, on murmurait qu'il portait en lui une énergie perturbatrice, une forme de malédiction divine qui ne devait pas perturber le lien sacré entre l'homme et Dieu. Le mystère de cette prophétie fut en grande partie oublié avec le temps, mais bon, certaines croyances disaient que l'Église ne voulait pas prendre de risques. Après tout, mieux valait prévenir que guérir et éviter que la lumière de la croix ne vacille à cause d'une simple petitesse humaine. Et ainsi, bon, pour des raisons aussi énigmatiques que farfelues, les nains furent absents des grandes cérémonies et des représentations bibliques. Ils n'étaient jamais présents au sein des scènes sacrées de la naissance du Christ, de la crucifixion ou même lors de l'ascension, préservant ainsi la pureté et la grandeur divine du Christ sans l'ombre d'un doute ou d'un petit homme. Donc voilà, C'est un peu ça qui explique que dans toutes les cérémonies que vous avez pu voir en lien avec la mort du pape, là, jamais, jamais, vous ne verrez l'ombre d'un nain. Et non, tout ça, c'est dangereux. J'ai eu des villes, des histoires, des jolies, des noirs, des vies nocturnes et des appartements. J'ai eu des joies, des cauchemars, des soirs de cafards, de solitude, de désœuvrement. J'ai pris le temps, j'ai pris le large souvent, j'ai eu des types, des cool et des nuls, des drôles et des nazes, des neufs ou d'occases. J'ai eu des sales types, des folles aventures, des histoires à la noix. Je sais, j'ai pas le profil idéal. Je vais pas effacer la vie d'avant. C'est vrai, j'ai pas le profil idéal. Mais avec toi tout est différent. J'ai eu des anniversaires, des envies d'ailleurs, de m'en aller, d'aller toucher le fond. Des nuits buissonnières, des retours aux aurores, des passagers dont j'ai oublié le nom. Et je trouvais ça bien d'être deux, mais toute seule j'étais mieux. Toute seule j'étais libre, je voulais être libre moi. Je croyais que quelqu'un avec soi, ça marchait pas pour ça. Ça empêchait tout, alors je restais pas, je m'en allais. Je sais, j'ai pas le profil idéal. Je vais pas effacer la vie d'avant. C'est vrai, j'ai pas le profil idéal, mais avec toi tout est différent. Je croyais que faire de la place dans une existence, c'était toujours un renoncement. Je disais que je serais jamais d'accord, ma liberté d'abord, le reste c'est rien que de l'emmerdement. C'est comme une valise qu'on traîne, un truc qui nous gêne, tu fais comment pour tes mains dans les poches? Je voulais des histoires d'amour moi, pas dresser des murs, je veux bien qu'on m'aime, mais je veux pas qu'on m'empêche. Je veux pas qu'on m'empêche. Je sais, j'ai pas le profil idéal. Je vais pas effacer la vie d'avant. C'est vrai, j'ai pas le profil idéal. Mais avec toi tout est différent. Je sais, j'ai pas le profil idéal. C'est la vie d'avant. C'est vrai, si j'ai pas le profil idéal. Mais avec toi tout est différent. Retour dans ce Lobster triangulaire. Bon, je dois encore cette semaine partager avec vous une bonne série que je suis en train d'écouter. Évidemment, là, vu que j'ai plus d'abonnement à rien, j'écoute mes séries un peu partout où c'est gratuit. Puis bon, j'en écoute quand même beaucoup, ça va vite. Cette semaine, c'est encore sur le site anime-sama.fr que j'écoute une série là, que je trouve vraiment bonne. La série se nomme Mushoku Tensei. Le nom français, c'est « Réincarnation sans emploi ». J'essaierai sérieusement si je vais dans un autre monde. Ça, c'est la traduction en français. Mais sur le site Anime Sama, il faut chercher pour « Mushoki Tensei ». La série, elle, est en français. Je vous lis le synopsis. Un jeune homme japonais sans emploi de 34 ans est expulsé de sa maison à la suite de la mort de ses parents. Après une certaine introspection, il conclut que sa vie était finalement inutile. En voyant un camion roulant à vive allure qui se dirige vers un groupe d'adolescents, il décide de s'interposer pour tenter de réaliser au moins une fois quelque chose de significatif dans sa vie et parvient à mettre l'un d'eux hors de danger avant de décéder. En se réveillant dans le corps d'un bébé, il se rend rapidement compte qu'il s'est réincarné dans un monde d'heroic fantasy où règne une atmosphère d'Europe médiévale. Il se met alors en tête de réussir dans sa nouvelle vie, écartant son ancienne identité pour sa nouvelle Rudeus Grérat, fils de la petite noblesse. En raison de son facteur génétique et de son entraînement précoce, Rudeus devient extrêmement doué en magie et là, bon, je vous lis pas la suite, car je l'ai lu, puis ils disent trop de choses, ça dévoilerait certains punchs, donc je veux pas vous envoler. La série, elle a 2 saisons, plus un film. La saison 2, c'est comme un peu 2 saisons, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, je pense qu'il y a 28 épisodes la saison 2, puis elle est vraiment splittée en deux, il y a 14, puis dans le premier 14, il y a de quoi qui se conclut, puis dans l'autre 14, il y a de quoi de complètement nouveau qui commence puis qui avance. Le visuel de la série, c'est très beau, c'est amusant, il y a plein de moments drôles, puis c'est un peu comme les mangas, les animés japonais, là, je vous l'ai déjà dit, il y en a qui, je sais pas pourquoi, il ajoute un côté sexuel dans les affaires, la série, comme dans Danmachi, le héros, il est un peu obsédé par les seins de sa déesse. Puis là, dans cette série-là, le héros, ben, il va finir par vénérer les petites culottes de quelqu'un. Fait que c'est quand même comique. Puis tout le long de la série, là, il y a des quiproquos sexuels à chaque épisode quasiment. Ce qui fait que c'est quand même une série plus adulte-adolescent. Mais c'est vraiment comme si c'est un peu du Donjon Dragon, mais avec un petit côté sexuel de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la série, elle avance assez vite en chaque épisode. Moi, j'aime ça là, quand il se passe plein d'affaires comme ça. Puis on reste pas bloqué non plus avec les mêmes personnages tout le temps. Il y a beaucoup de nouveaux personnages qui apparaissent dans la série. Donc, ça permet de faire plein d'affaires. Le héros va se promener. Il va y avoir des périodes un peu à Harry Potter où il y a de l'éducation, il y a de l'apprentissage, il y a des missions. En tout cas, il se passe vraiment, vraiment plein de choses. Puis, ça va pas où on pense que ça irait aller. Je dis ça souvent, là, mais moi, les séries qui viennent d'ailleurs, souvent, ça m'impressionne. Je me dis, ah, ça, c'est sûr que ça va se passer. Puis, pas en tout, ça va pas là, pas en tout. Puis, encore là, dans cette série-là, j'ai été quand même surpris. Je suis rendu à la fin de la saison 2. J'achève, puis il va me rester un film. Puis après ça, je vais devoir attendre que la série 3... ça. Puis ce qui est le fun dans cette série-là, c'est que la personne de 34 ans là, qui est décédée, ben ça se passe dans la première minute là, de la série. On le voit dans sa chambre, il sort puis il meurt. Puis là, il se réincarne en bébé. Mais la personne de 34 ans, elle a gardé sa mémoire et ses souvenirs. Donc, il est un peu comme le narrateur de la série tout le long. Parce que lui, dans sa tête, il est encore vieux. Donc, même quand il nous montre, il y a comme un épisode qui... Ben, c'est tout dans le premier, là. Il est comme bébé, mais il grandit assez vite. Mais il fait toujours la narration comme si il est une personne de 34 ans. Donc, dans sa tête, il est adulte. Donc, ça fait un bébé qui ne pleure pas parce qu'il sait ce qu'il a besoin. Puis, il est déjà intelligent. Donc, c'est quand même bien fait. Puis, c'est quoi je voulais dire d'autre? Non, je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et jusqu'à la fin de la série 2, on va le suivre qui passe de bébé jusqu'à adolescent de 16 ans. Donc, ça avance beaucoup. Puis, c'est... En tout cas, voilà. Si ça vous tente de l'écouter, il faut chercher sur le site anime-sama.fr. Il faut chercher pour Mushoki Tensei, M-U-S-H-O. K-U T-E-N-S-E-I. Donc voilà, on va écouter un petit bout. J'ai pas trouvé vraiment de bande-annonce. Il y en a une qui est en japonais, puis la celle qui est en français, c'est la saison 2, mais si on l'écoute, ça vous dit plein de choses qui s'est passé dans la 1. Donc, on va écouter juste un petit bout que j'ai pris dans l'épisode de la série de la saison 1, dans le premier épisode. Donc on écoute ça. C'est ainsi que mes parents ont décidé de faire appel à un précepteur. À première vue, Paul n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est jouer avec ses épées à la maison. Mais il n'en reste pas moins le chevalier chargé de surveiller le village. Ce qui lui donne largement les moyens d'engager un professeur particulier. Même si, il faut l'avouer, c'est bien la cambrousse par ici. Je me suis demandé si on pourrait trouver quelqu'un facilement pour ce poste. Mais de toute évidence, ils n'ont pas eu de problème. Mes parents voyaient déjà le profil de la personne qui allait arriver chez nous. Un vieil aventurier à la retraite. Bonjour. Un magicien qui aurait accumulé de l'expérience sur les routes durant de longues années. Sans doute un quadragénaire ou encore un vieux bonhomme à la longue barbe. Un magicien, quoi. Je m'appelle Roxy Migurdia. Merci d'avoir fait appel à moi. Bon, pour la barbe, même juste les poils, c'est loupé. Regardez qui s'est pointé. Qu'elle est jeune. Elle va encore à l'école? Ce regard un peu méprisant, cette attitude glaciale, j'aime beaucoup. Quand je serai grand, je l'épouserai bien. Si je comprends bien, tu es la préceptrice qu'on a demandée? Tu es bien jeune quand même. T'es toute petite. Dis donc, t'es bien placée pour critiquer. Bon, elle complexe sur les histoires de taille. Je vais pas évoquer le reste. Bien. Pouvez-vous me dire où se trouve mon élève? Ah, il est déjà là. D'accord, je vois le topo. Je vous jure, ses parents qui croient que leur enfant est un génie parce qu'il est un peu précoce. Tu sais que tu parles à voix haute, hein, Roxy? Une objection? Non, pas du tout. Seulement, je ne suis pas certaine que votre fils puisse comprendre les principes de la magie. Tu verras bien. Donne-lui une chance, je t'assure que notre Rudy est brillant. Bon, si vous insistez, je vais faire ce que je peux. Donc voilà, moi je suis en train de dévorer cette série. Ben en fait, comme j'enregistre sur quelques jours, je l'ai maintenant terminée. Puis la fin de la saison 2 est quand même satisfaisante. J'avais peur à une catastrophe parce que durant cette deuxième partie de la saison 2, il y avait des signes qui laissaient avoir qu'il pourrait y avoir une catastrophe pour la finale. Mais bon, oui, il se passe quelque chose pour la finale, mais c'est pas une catastrophe. Donc c'est une belle fin. Donc j'étais vraiment content. C'est une belle série à écouter. Sinon, j'ai aussi écouté les deux premiers épisodes de la série Astérix et Obélix dont je vous parlais plus tôt. Même si ça dit 35 minutes, là, ça dure à peine 22 minutes par épisode. Le reste, c'est du générique. Là, il y a 10 minutes à la fin de générique. Puis l'histoire est correcte, c'est divertissant, mais sans plus. Je dis pas que c'est pas bon. Non, loin de là. C'est vraiment de qualité, puis il y a des bonnes blagues. Mais je sais pas, c'est pas aussi bon que les films, peut-être, à cause de l'histoire, peut-être. Donc, c'est à écouter, mais bon. À mon avis, à moi, ça passera pas à l'histoire, là, ça sera pas dans les meilleurs. Je préfère encore les bons films de ciné-cadeau. Sinon, cette semaine, j'ai le goût de vous parler de bande dessinée. Bon, c'est dans le mandat du Lobster de parler de temps en temps de bande dessinée. Les BD, bon, j'en ai beaucoup. Je suis rendu, je suis allé voir mon dernier décompte, là, ma liste. Je suis rendu à 2501 BD dans ma collection. Puis quand j'atteins des chiffres là, significatifs, j'écris c'était quoi. Donc, ma 2500e BD que je viens d'acheter là, dernièrement. C'était la BD du Marsupulami, numéro 11, que j'ai payé 25 cents à la bibliothèque. Bon, je vous l'ai déjà parlé, là, ma bibliothèque est pas loin, là, à moins d'un kilomètre de la maison, là, je pense que c'est 100 mètres. Puis ma bibli ne fait plus de grosses ventes annuelles, là, comme il faisait avant pour se débarrasser des livres. Quand ils ont des livres qu'ils veulent se débarrasser, ils les mettent dans le couloir, dans une armoire qu'ils ont. Puis si on les veut, on les prend, puis c'est 25 cents. Donc moi, j'y vais quand même assez souvent pour lire les revues, puis des fois le journal, puis jouer du piano. Donc, quand je passe puis je vois qu'il y a des BD, ben j'enrichis ma collection comme ça, à faible coût, à 25 sous du livre, là, c'est de la BD, là, c'est impossible à battre. Je pourrais même les acheter et aller les revendre ailleurs, mais non, je laisse la chance à d'autres. J'achète juste celles que moi j'ai pas. Puis la semaine passée, il y en avait plein des BD de Chick Bill que j'avais pas. Chick Bill, ça coûte cher, puis c'est beau, puis c'est bon. C'est l'histoire de... ça se passe dans le Far West, là. Une histoire de cow-boy. J'adore ça, mais il y en a tellement dans la série. Je les ai pas tous, mais là, j'en ai trouvé beaucoup là, qui avaient été mis dans le corridor de la bibliothèque 25 sous. Donc, maintenant, cette semaine, je veux vous parler de quoi? Eh bien, je vous donne un indice musical. Décollage immédiat. Goldorak. Go, go, go! Oh! Une soucoupe! Les hommes de l'espace arrivent! Expliquez-vous clairement, je vous en prie! C'est un terrien, je n'ai pas un martien! Lancement dans 15 secondes. Je n'ai pas le pouvoir de changer ton destin, mais je t'en supplie. Essaie de revenir vivant. Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Métamorphorisation! Envoyez les navettes à l'essence! Prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. Et oui, vous le reconnaissez, pour ceux qui sont un peu de mon âge, on parle de Goldorak. Nous, on l'a surtout connu là, pour les épisodes télé. Moi, j'ai aussi une de ses histoires en vinyle, là, 45 tours. Sur le de mémoire, c'est Actarus ou Actar là, qui arc. Comment il s'appelle? Arcor? Qui s'échoue sur une île, puis l'histoire tourne un peu autour de ça. Faudrait que je le réécoute là, pour me remettre l'histoire dans la tête. Je m'en souviens pas assez, mais je me souviens que ça se passe sur une île. Sinon, j'ai aussi quelques BD de Goldorak. Je suis allé au garage les chercher. J'ai vu qu'au garage, j'avais Goldorak numéro 15 de 1978. Qu'est-ce que ça dit? Première page, ça dit « Profitant d'une panne de Goldorak, Hydargos occupe le laboratoire. Actarus se réfugie avec Goldorak dans une grotte. Et là, il y a toute une histoire pour trouver la pièce manquante pour réparer Goldorak. Sinon, j'ai aussi le numéro 7, puis j'ai deux autres BD de lui, selon Malice. Mais bon, ceux-là, je ne les ai pas retrouvés. Mais si on revient aux épisodes télé, bon, il y en avait 74, c'est ce qu'on écoutait le samedi ou le dimanche à la TV. Puis dans le 64e épisode, qui s'appelait « Ce n'est qu'un au revoir », il y avait Vega, là, le méchant, qui lançait sa dernière offensive contre la Terre. Donc, il envoyait toute son armée là, pour essayer de soumettre la Terre. Bien évidemment, Actarus, là, il engage le combat avec Goldorak puis toute sa gang, avec Venusia, Alcor, Phénicia, c'est la patrouille des aigles, d'après ce que j'ai lu. Bon, mais je vous passe le reste des détails, mais évidemment, dans ce 74e épisode, c'est les bons qui gagnent. Puis à la fin, Actarus puis sa sœur Phénicia, ils décident ensuite de retourner sur Euphor, leur planète d'origine, en vue de tout reconstruire. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ce dernier épisode-là. Je suis allé lire là, sur Internet pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, ça finit comme ça, avec le départ des deux là, vers leur planète d'origine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres choses après ça? Eh bien, oui, maintenant, oui. Depuis 2021, Goldorak a été ressuscité en BD sous la plume de 5 auteurs français avec l'accord de l'auteur. Donc, c'est une suite officielle. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu une BD de Goldorak qui est sortie en 2021. Et il se passe quoi dedans? Eh bien, voici le synopsis. La guerre entre les forces de Vega et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor, tandis qu'Alcor et Venusia tentent de mener une vie normale. Mais, des confins de l'espace surgit le plus puissant des Golgothes, l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime division écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Vega sidèrent la planète. Sous peine d'annihilation totale, tous les habitants du Japon ont 7 jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel. Face à cet ultimatum, il ne reste qu'un espoir, et vous devinez évidemment c'est qui? C'est Goldorak. Donc c'est ça l'histoire de la BD. Moi je voulais me l'acheter, mais neuve, elle est quand même, ça se vend là, chez Renaud Bray, 43,95$, c'est quand même assez cher. J'espère l'avoir un jour dans les marchés aux puces, mais bon, ce genre de BD là, assez niché, c'est rare dans les marchés aux puces, puis quand c'est là, à prix réduit un peu, eh bien, ça part tout de suite. Donc, peut-être qu'un jour, je la trouverai, mais là, pour l'instant, à 44$, c'est trop cher. Donc, pour terminer là-dessus, ben, le but de ma mini-chronique, c'était juste pour vous laisser savoir qu'il existait une suite à Goldorak. De retour, tantôt, en allant lire mes revues d'actualité en tout genre là, à la bibliothèque, je me suis dit « Pourquoi je lirais pas des mangas aussi quand je viens? » Puis je me suis lancé dans la lecture de Letter B. En gros, c'est quoi l'histoire de ce manga-là? Je vous fais un résumé vraiment succinct. Ça, c'est l'histoire d'un postier. C'est comme dans un monde où il n'y a pas vraiment de soleil. Puis la job des Letter B, eux autres, leur job, c'est de se promener de ville en ville. Puis quand ils arrivent dans une ville, ils vont à l'endroit où il y a comme un panneau de poste Canada. Puis là, ils ramassent le courrier, puis ils doivent l'amener à la bonne place. Là, évidemment, c'est pas Poste Canada. Là, c'est un monde dystopique. Ça se passe post-apocalyptique. Dans un monde là, un peu magané, où il n'y a pas de soleil. Mais bref, j'ai lu tantôt la moitié du premier livre, et si vous voulez mon avis, c'est pas très bon. Donc, ma chronique, c'est juste pour vous prévenir. Letter B en manga, c'est pas un bon choix. Rendu à la page 100, là, ben, les dessins sont beaux, mais j'étais comme pas attiré par l'histoire. Il arrive à la première la personne qu'on suit arrive à la première ville, puis là, son colis, c'est un genre de jeune enfant qui a comme des timbres sur le bras, puis il faut qu'il l'amène dans une autre place. Bon, c'était quand même original, mais je sais pas, j'ai comme pas embarqué. Puis quand j'y allais, quand je cherchais des mangas, je me disais, ce qui serait le fun de lire, c'est One Piece, mais malheureusement, One Piece, il n'y avait pas le numéro 1, ça commençait à 2, puis je me suis dit, tant qu'à commencer au numéro 2, je vais essayer d'autre chose. Donc, Letter B, c'était un mauvais choix. En passant, en me renseignant sur le manga One Piece, j'ai découvert que c'est le livre le plus vendu au monde. Et oui, plus de 500 millions d'exemplaires. Ça dépasse Astérix puis Obélix là, qui arrive en deuxième avec 393 millions d'exemplaires vendus. Astérix, ils ont environ 43 albums, alors que One Piece sont rendus eux à 106 albums. Donc avec 106 albums, ils ont eu des ventes de plus de 500 millions. Ensuite, Charlie Brown et Lucky Luke sont ex-aequo autour de 300 millions de ventes d'exemplaires. Puis ce qui me surprend le plus dans la longue liste que j'ai regardée tantôt, là, qui donnait les chiffres là, justement de ça, c'est la 11e position avec des ventes de 200 millions d'exemplaires. C'est Bob et Bobette. Je vous en ai déjà parlé, je crois. C'est deux enfants, Bob et Bobette, qui vivent des aventures là, un petit peu partout. Ils sont des fois dans l'époque romaine, dans un sous-marin, dans Jules Verne sous la terre, dans un sous-marin, en Amazonie, partout, avec 370 BD dans la série. Là, ils ont été vraiment partout, jusqu'à la Lune. Moi, j'ai été vérifié dans ma liste, j'en possède 27 dans ma collection. Il y a eu comme une réimpression là, en 9 dernièrement. J'ai de 1 à 8 des nouveaux. Quelqu'un avait acheté ça, puis j'imagine qu'il n'a pas apprécié. Il les a retournés chez Renaissance, où j'ai pu les acheter pour 3-4 piastres chacun. Puis sinon, j'en ai, moi, des anciens. Puis, à quoi qu'ils ressemblent? Eh bien, Bob et Bobette, ils ressemblent un peu au dessin de Tintin. Tu sais, Tintin, il a comme un peu la tête en forme de rond. Eh bien, eux, ça ressemble un peu à ça, les dessins. Puis c'est très coloré. En plus, les livres de ces BD-là sont très reconnaissables parce que ils ont fait un cadre rouge sur la première page avec une image dans le milieu. Donc, toutes les Bob et Bobette se reconnaissent facilement quand tu les cherches dans des brocantes. Tu cherches les livres qui ont les tours rouges, en gros rouge, vif. Eh bien, c'est Bob et Bobette. Sinon, quoi d'autre? Et là, bon, là, juste de reparler de BD, qu'est-ce que j'ai fait durant ma pause tantôt? Je suis allé me réabonner à la page Facebook de Comic Hunter parce que je me souviens que c'est là que j'achetais plusieurs Bob et Bobette. Lui, il les vend à la boutique 10$. Puis, mais des fois, il en vend spécial. Là, quand, il y a une fois par semaine, je pense que c'est le lundi ou le vendredi. Ça, il appelle ça les francopholies. Il met toutes les nouveautés en français sur la page Facebook. Puis on peut juste dire, ça, je le prends. Puis là, il le met de côté pour nous, puis on passe le chercher. Donc, je me suis réabonné. Avant, ça me coûtait trop cher là, quand que j'étais abonné à cette page-là. Mais là, bon, ça m'a redonné le goût. Parce que souvent, on trouve des vieilles BD en français. Lui, Comic Hunter, il y a des centaines, pour pas dire des milliers de boîtes encore de pas ouvertes, de choses qu'il a mis de côté, puis qu'il sort de temps en temps, puis là, il les met en vente. Donc, ça arrive souvent qu'il trouve des petits trésors dans ses boîtes. Une fois, il avait mis en vente, puis je regrette de ne pas l'avoir acheté, il avait mis en vente le livre Tintin en Thaïlande. C'est évidemment, il y a eu 2000 copies de ce livre-là. C'est évidemment quelqu'un, c'est pas Hergé qui a dessiné ça, là. C'est Tintin qui est en Thaïlande, puis là, il y a toute une portion sexuelle, puis il y a le professeur, puis en tout cas, il y a même la Castafiore là-dedans. Donc, c'est une BD de Tintin. Là. Il y a un nom pour ces BD-là qui sont faites, là, qui sont des copies, qui ont été faites par d'autres gens. Je ne me rappelle plus le nom. Mais bref, le magasin la vendait 50$, puis j'ai dit « Ah, c'est trop cher », mais là, j'ai vraiment regretté par la suite. Puis après, j'ai toujours essayé d'en racheter cette BD-là, là, qui existe en... Elle existe juste à 2000 exemplaires, puis j'ai jamais réussi à la racheter. La dernière fois que je l'ai vue en vente, était 115$, alors que le magasin l'avait mis en vente à 50$. Je l'ai feuilleté dans mes mains et j'aurais dû partir avec, mais bon. Probablement que cette journée-là, j'avais déjà beaucoup trop de choses de côté au magasin, puis que je me suis dit « Ah, oh, Fred, calme-toi. » Et c'est normal de se calmer des fois. Donc, quoi d'autre? Ah oui, c'est ça, en fouillant tantôt dans mes... en allant chercher mes Goldorak dans le garage pour vous en parler, j'ai ramené aussi trois Capitaine Flamme. Ceux qui sont de mon âge se souviendront, ça c'était le fun aussi à écouter le samedi ou le dimanche. Les histoires de Capitaine Flamme, c'était futuriste, c'était quelqu'un, ça se passait dans l'espace. Souvent, il arrivait sur une planète, fallait qu'il sauve du monde. Donc, c'est ça. Capitaine Flamme, on écoute un petit bout de du générique, juste pour se rappeler de bons souvenirs. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Voilà, ces trois BD de Capitaine Flamme dont je vous parle, que j'ai sur moi avec moi en ce moment. Eh bien, j'ai été chanceux, je les ai trouvés chez Renaissance dernièrement pour 2,25 chacune. Chez Renaissance, quand ils voient que c'est une BD qui est un peu ancienne, qui n'est pas cartonnée, là, c'est pas un carton rigide sur le dessus. Les vieilles BD, souvent, ils ne sont pas cartonnés. Puis quand c'est vieux, il est même moins cher, alors que dans ma tête, ça vaut plus cher, mais bon, je suis chanceux. Moi qui est nostalgique, ils les vendent moins cher, ces affaires-là. Donc, ça permet pour moi de les acquérir à très peu de coûts. Puis ça me fait penser justement à la dernière fois que j'étais allé, il y avait une boîte remplie de livres dont vous êtes le héros. Ils les vendaient 2 à 3 dollars chaque. J'en ai pris, je pense que j'en ai acheté un pour mon neveu, mais là, je regrette. Ah oui, je regrette. J'aurais dû les acheter pour les refaire. C'est amusant faire ces livres-là. Ah là là, ça c'était une autre mauvaise décision, j'aurais tout dû les ramasser. En passant, saviez-vous que ces livres-là, dont on est le héros, sont en réimpression? En allant à la boutique L'Imaginaire la semaine passée, j'en ai vu deux qui avaient été réimprimés et corrigés, parce que bien souvent, là, il y avait des erreurs qui s'étaient glissées dans certains des numéros, parce que c'est ça le principe, là, t'sais, on lit un bout de paragraphe, puis là, il faut faire un choix, puis aller à tel numéro, mais bon, il y a des livres qui ont des erreurs, donc qui étaient impossibles de terminer, donc les nouveaux livres ont été revus et corrigés, ceux qui réimpriment. Et ceux qui sont en vente en ce moment, j'ai vu que c'était les défis fantastiques qu'ils sont en train de réimprimer. Ils les ont fait un petit peu plus gros. Ils ont changé la couverture. Ça, c'est une mauvaise idée. Les dessins d'antan étaient magnifiques. Là, ils ont refait des nouveaux dessins, mais c'est pas très beau. Puis en plus, tout le fond est noir, puis il y a juste une partie du dessin sur l'image. Alors que les anciennes images étaient très, très, très... En tout cas, si vous vous souvenez des premiers, là, la Cité des pièges ou ces affaires-là, bien, c'était des beaux dessins. Puis maintenant, ils les vendent 25,95 si ça vous intéresse. Moi, j'en avais plusieurs. Puis juste d'en parler, ben durant la pause, je suis retourné fouiller au sous-sol chez moi pour essayer de les trouver. Je me rappelle que j'avais les deux premiers, au moins j'avais le sorcier de la montagne de feu et le labyrinthe de la mort, c'est les deux premiers. Je les avais, mais je les trouve plus. Puis quoi d'autre? Moi, ceux que j'ai fait et que j'ai aimé, c'était les loups solitaires. Je crois qu'en plus, loups solitaires, on pouvait garder notre personnage de livre en livre. Il y avait... au moins une dizaine, j'y vais de mémoire, là, mais il y avait une dizaine de livres, puis on gardait notre personnage de livre en livre. Donc, on pouvait s'améliorer. C'était quand même le fun. Ceux-là, je les avais pas. Je me souviens que je les prenais à la bibliothèque dans le temps. Bref, comme j'étais en congé, j'aurais bien aimé ça en refaire un. Je l'aurais fait avec vous, en fait. C'est ça que je me disais. J'ai dit ça aurait été le fun d'en faire un, de lire les choix, puis de choisir de l'enregistrer. Mais bon, ça sera pour une autre fois si j'arrive à retrouver mes livres. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce Lobster. On a parlé de plein de choses. Donc, merci d'avoir été là. On va terminer en musique. Cette semaine, j'ai composé une musique sur mon piano, car, bon, j'ai eu besoin d'utiliser mon deuxième kit de croix pour l'extrême onction. Bon, ma grand-mère est décédée de vieillesse à 101 ans et 8 mois. C'est quand même exceptionnel d'avoir vécu aussi longtemps. Et, bon, la journée de son décès, bon, je suis allé devant mon piano, puis j'ai été inspiré. Pendant une heure, là, je me suis amusé à lui faire une chanson que j'ai enregistré et une petite chanson pour lui dire au revoir. Donc, on termine là-dessus en écoutant ce que j'ai composé. Merci, bye bye.